pourquoi bon t'enfoirer? Cache sa mère. Ouais, envoie ton feu, envoie ton feu. Je me sers un verre. Je balance un pépère. Capuché, un flash, des bonbons. J'ai rapport, il a fallu au Marseille. Je crois que je l'avais fait des pépés. Jack Dani, marché droit, tu essaies. J'suis en barreau, j'ai les yeux plissés. Et maintenant, c'est pas les USR. Un jogging de foot, j'me suis hissé. Ça a crié, viscère, pas pu. Mais t'inquiète, ça revient, refrain, fais-nous pas chier. La police est vénère, battue, trois étoiles au quartier, c'est le vénère battu. J'suis avec les gars, Joe, mec, me dis loin d'ici, un C4, j'y vais. Ça cavale, j'ai le cardio, mec, j'ai le feu au cul plus que Cardi B. On te soir à la mulette, j'ai perdu mon briquet, la chatte à la muleur. On barre au taf une heure, j'me tue à la fumette, j'en fume presque comme Muller. J'suis dans le beurre, ça dégoûte poteau, pas de fit pété, mais t'es full au ça. Même tu sais, on a tout pété, on t'écoute putain, tu renfles le sang. Wesh mon racaillou, check de l'épaule, ça dit aïe aïe aïe. Poto aïe aïe aïe, personne à l'abri d'un aïe aïe aïe. On maîtrise comme pas possible, foncé, ça fait 5 minutes, j'ai pas pissé. Des fois l'ambiance est pas paisible, bloqué. Et dans mes clips, y'a pas de poussi. C'est la deuxième partie, ok, t'inquiète pas, je suis partant. Je fais que la saleté, refrain, maudit par le sale temps. T'inquiète pas, on tord ça, petit con, c'est les verticaux, personne sur le quad. C'est tendu là, mon petit pote, c'est la Zerigo. Pas tous sous le square. Absent pour l'examen, je tenais que saluté du Luxembourg. Petit, j'étais dans l'excès, moi, pas de cahier, pas de Luxembourg. Absent pour l'examen, salut, je tenais que c'était du Luxembourg. Petit, j'étais dans l'excès, moi, pas de cahier, pas de Luxembourg.